À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, Bunyan Vorachit, secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao et président de la République démocratique populaire Lao, a fait parvenir le 6 courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a indiqué que pendant 71 ans, sous la direction clairvoyante du Parti du Travail de Corée, conduit par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, grand leader du peuple coréen, et le maréchal Kim Jong-un, grand continuateur de l'œuvre révolutionnaire, le peuple coréen frère a lutté courageusement et audacieusement contre l'impérialisme et pour sauvegarder la conquête de la révolution, suivant les idées du Juche et la ligne de Sun-gun. Ensuite, il a souligné que le peuple coréen a accompli sans cesse de grands succès dans l'application de la ligne et de la politique du parti, la préservation de la stabilité politique, le développement de l'économie et l'amélioration de la vie de la population. Il s'est exprimé convaincu du développement continu des relations traditionnelles d'amitié entre les deux partis, les deux États et les peuples de deux pays, conformément aux intérêts de deux pays, à la paix et au développement des relations d'amitié et de coopération de la région et du monde. Finalement, il a souhaité santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un et plus grand succès dans sa noble œuvre.